Chica. Chica. Chica. Je ne sais pas, il n'y a pas d'amour mort. Le monde est en perdition, le monde est en... Le monde est en perdition. Le monde est en perdition. Oh mon amour, y a pas d'amour. Y a pas de mon amour et pas d'amour et pas d'amour. Y a pas de mon amour, pas de mon amour. Y a pas d'amour, le monde file à sa perte. Et j'espère qu'il va tous crever. On va tous crever. J'espère qu'il va tous crever. L'humanité va tout crever. Elle va tout crever là comme ça. Là, c'est pareil. Que dalle. Les mutations s'opèrent. Grâce au père, mère. Et nous, qu'est-ce qu'on vient, nous? Ben, on va crever, tout simplement. Mais les autres. Toujours les mêmes. Eux, ils restent. Ils restent bien droit. Et toi, t'as pas d'amour. Et toi, t'as pas de fric. Si, non. Enfin, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. D'aller où tu veux, comme tu veux. De faire, d'être heureux, quoi. Tu dois rester là, pourrir comme ça, comme une vieille merde. Que le monde est pourri, que les gens sont pourris. Que tout est corrompu, oui, tout est corrompu. C'est foutu. Putain, mais qu'est-ce qu'on est sur cette putain de planète de merde, perdue dans l'univers de merde? Pourquoi on est dans ce corps de merde? Mais pourquoi on est arrivé là? Pourquoi moi je suis arrivé ce corps de merde? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai cette conscience de merde? C'est ça la question. Seule question qui reste. Pourquoi toi ici, dans ce corps ici, dans cette conscience là, pourquoi là, avant, après, pourquoi maintenant là, pourquoi maintenant là, et jamais d'amour, jamais rien qui ne vient, jamais rien d'heureux, jamais rien, il faut que tu restes là, planté, planté, là, ici, là, jamais rien, toujours de la merde devant les yeux, toujours de la merde devant les yeux, jamais de bonheur, jamais être heureux, c'est une légende tout ça, c'est quoi ça? Je ne le voyais pas quand j'étais avec vous, ouais, avec vous. Je ne le voyais pas. Je disais plus tard, ça sera mieux, plus tard, plus tard, plus tard, toujours plus tard. Mais jamais plus tard, ce n'est mieux, jamais, jamais, jamais plus tard, ce n'est mieux. Et bien au contraire, c'est pire en pire, c'est pire en pire, c'est encore plus pourri le jour d'après que le jour d'avant. C'est toujours encore plus pourri le jour d'après que le jour d'avant. C'est encore plus pourri le jour d'après que le jour d'avant. Et encore plus pourri. C'est encore plus pourri. C'est encore plus pourri le jour d'après que le jour d'avant. C'est pas possible que ça soit comme ça. Pas possible. Pas possible que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et que ça n'arrête pas. Et que toi, tu te dis putain. Tous les pourris resteront, et toi, tu vois bien les pourris que tu voyais quand t'étais gamin, ils avaient déjà, ils étaient déjà vieux, et maintenant ils sont encore plus vieux, toujours plus vieux, ils ont bientôt 100 ans, je sais pas quel âge ils ont, mais tu les vois toujours, ils sont toujours aussi pourris, ils ont fait des gamins, ils ont fait des gamins qui sont encore plus pourris que peut-être. Toi tu vois ça, et toi tu vois ça, et tu te dis putain mais c'est pas possible que ce monde soit si pourri avec des gens si pourris, des humains de merde, des humains de merde, mais des humains toujours de merde, oui, des humains, là qui se disent humains, humains, mais ils sont pas humains, ils sont pires que les bêtes, les bêtes sont humaines, les bêtes sont humaines, les bêtes, les animaux, oui, les animaux, un Z avec animaux, oui, eux ils sont humains, eux ils ont un cœur. Ils pensent, ils réfléchissent, ils sont eux. Ils peuvent pas faire autrement. Et nous, là, l'humain de merde, là, hein, il peut faire autrement, il pourrait être sympa, sympa, sympathique. Et faire quelque chose de bien pour son humanité, pour son monde. Mais non, non, non, non, non, mais non, non, non, au contraire, il profite, il est là, il préfère que son congénère, son double, ait une vie de merde et pouvoir le contrôler, surtout pouvoir le contrôler, elle, contrôler ça, ça, ça, il aime ça, contrôler, avoir le pouvoir de faire souffrir l'autre. Donc humain de merde, donc la question revient toujours, pourquoi je suis venu dans ce monde de merde, avec des humains de merde, pourquoi je suis pas venu, je sais pas moi, en tant que un aigle royal, bon il n'y a pas trop, y a beaucoup de candidatures, pas beaucoup d'élus pour ça, mais je sais pas moi. Un dauphin, une baleine, un saumon bouffé après, tu sais, bouffé après pour les fêtes, un canard gras, ou un poussin, vite fait crevé, allez hop, voilà, je sais pas. À l'arrière, un rouge-gorge, un truc comme ça, un petit oiseau peinard, quoi, que personne ne vient faire chier, quoi, tu vois. C'est ça qu'il aurait fallu être. Ouais, un petit truc. Un petit oiseau, parce que tout ce qui est par terre, alors une limace, tu te fais écraser. Qui est par terre des frontières et que les oeiseaux ailleurs. Après, t'inquiète pas, t'es un mouton, t'es une vache, t'es un cheval, un machin, un truc. T'es obligé de suivre un lion, une panthère, un machin, t'es fusillé, t'es un éléphant. On te flingue, voir tes cornes. Dernier hérisson, tu te fais écraser par les bagnoles. Putain, mais. Je sais pas quel animal. Un rouge-gorge. Un petit oiseau comme ça. Un petit oiseau que personne ne vient faire chier. Au contraire, maintenant, ils mettent des graines pour les petits oiseaux. Oh, mais les petits oiseaux, ils sont bien gentils, les petits oiseaux. Oh, il y a des petites graines, des petites maisons. Ouais, ce monde de merde ne changera jamais tant que l'humain sera vivant sur ce monde de merde avec leur blabla qu'ils ont bien pensé. Comment manipuler l'autre? Attends, on va leur faire croire qu'il y a un truc là-haut qui les regarde, qui les surveille. Ils font pas comme il faut, hein? Mais je peux te dire qu'ils vont se faire taper sur les doigts, hein. Ils mettent leur peur. Il faut leur mettre de la peur, nom de Dieu, de la peur, pour qu'ils écoutent, pour que nous, on soit tranquille, on se fasse servir notre petite pute, hein, notre petite pute, qu'on puisse baiser notre petite pute, hein, voilà. La peur de l'autre propagande. La peur de l'autre propagande. La peur de l'autre propagande. La peur. Le monde est pourri. L'être humain est pourri. Oh, oh, oh. Faire fou.